Chapitre 8. Autre combinaison. Plus j'ai cherché, madame, et plus je cherche encore. Racine. Britannicus, acte 2, scène 3. Non, non, je n'en veux plus du trésor. J'en ai assez, moi, de pas me battre, de copier des conneries sur Mirabeau, de faire des retenues et de recevoir des piles. Merde pour les boutons. Les prendra qui voudra. C'est pas toujours au même d'être taunier. Si mon père retrouve un bouton dans mes poches, il a dit qu'il me refoutrait une danse comme j'en ai encore jamais reçu. Ainsi parla Tintin le trésorier, le lendemain matin, en remettant Esmain du général le joli sac rebondi, confectionné par sa sœur. « Faut pourtant que quelqu'un les garde, ces boutons !» affirma Lebrac. « C'est vrai que Tintin peut plus guère les conserver puisqu'on le soupçonne. À tout moment, il pourrait s'attendre à être fouillé et pincé. « Grand Gibus, il te faut les prendre, toi. Tu restes pas au village, ton père se doutera jamais que tu les as. Traîner ce sac d'ici au Vernois et du Vernois ici, deux fois par jour aller-retour ? Et ne pas me battre, moi, un des plus forts, un des meilleurs soldats de Longeverne, est-ce que tu te foutrais de ma gueule par hasard ? » riposta Grand Gibus. Tintin aussi est un bon soldat, et il l'avait bien accepté. Pour me faire chipper en classe ou en retournant à la maison, tu vois pas que les Vélerans nous attendent un soir que Narcisse aura oublié de lâcher Turc ? Et les jours où nous ne viendrons pas, qu'est-ce que vous ferez ? Vous coillonnerez, hein ? On pourrait cacher le sac dans une case en classe ? émit Boulot. Sacré gourde ! Râla la crique. Quand c'est-il que tu les mettras en classe, tes boutons? C'est après 4 heures qu'il nous les faut, justement, cucu. C'est pas pendant la classe? Alors comment veux-tu rentrer pour les y cacher? Dis-le voir un peu, tout malin. Non, non, personne n'y est, c'est pas ça, rumina Lebrac. Où est-ce qu'est Camus et Gambette? Demanda un petit. T'en occupe pas, répondit le chef vertement. Ils sont dans leur peau, et moi dans la mienne, et pour la tienne. As-tu compris? « Oh, je demandais ça parce que Camus pourrait peut-être le prendre, le sac. De son arbre, ça ne le gênerait guère. »« Non, non !» reprit violemment Lebrac. « Pas plus Camus qu'un autre. J'ai trouvé. Il faut tout simplement chercher une cachette pour y caler le fourbi. »« Pas au village, par exemple, si on l'a trouvé. » »« Non, » concéda le chef. « C'est à la Saute qu'il faudra trouver un coin, dans les vieilles carrières du haut, par exemple. »« Il faut que ce soit un endroit sec, parce que les aiguilles, si c'est rouillé, ça va plus. Et puis à l'humidité, le fil se pourrit. » Si on peut trouver aussi une cachette pour les sabres et pour les lances et pour les triques, on risque toujours de se les faire prendre. Hier, mon père m'a foutu mon sabre au feu après me l'avoir cassé. J'ai mis Boulot. J'ai rien pu ravoir un petit bout de ficelle de la poignée et encore, il est tout roussi. Oui, conclut Tintin. C'est ça. Il faut trouver un coin, une cache, un trou pour émettre tout le fourbi. Si on faisait une cabane, proposa la crique. Une chouette cabane dans une vieille carrière bien abritée, bien cachée. Il y en a où il y a déjà de grandes cavernes toutes prêtes. On la finirait en bâtissant des murs et on trouverait des perches et des bouts de planches pour faire le toit. Ce serait rudement bien, reprit Tintin. Une vraie cabane, avec des lits de feuilles sèches pour s'y reposer, un foyer pour faire du feu et faire la fête quand on aura des sous. C'est ça, affirma Lebrac. On va faire une cabane à la Saute. On y cachera le trésor, les munitions, les frondes, une réserve de beaux cailloux. On fera des astottes pour s'asseoir, des lits pour se coucher, des râteliers pour poser les sabres, on élèvera une cheminée, on ramassera du bois sec pour faire du feu. Ce que ça va être bien. Il faut trouver l'endroit tout de suite, fit Tintin, qui tenait à être le plus tôt possible fixé sur les destinées de son sac. Ce soir oui, ce soir on cherchera, conclut toute la bande enthousiaste. Si les Vélerans n'en viennent pas, rectifia Lebrac, mais Camus et Gambette leur arrangent quelque chose pour qu'ils nous foutent la paix. Si ça va bien, on sera tranquille terre tous. Si ça réussit pas, eh ben, on en nommera deux pour aller chercher l'endroit qui conviendra le mieux. « Qu'est-ce qu'il fait, Camus ? Dis-nous-le, va, Lebrac !» interrogea Bacaillé. « Ne lui dis pas !» souffla Tintin en le poussant du coude pour lui remettre en mémoire une ancienne suspicion. « T'as le temps de le voir, toi. J'en sais rien, d'abord. En dehors de la guerre et des batailles, chacun est bien libre. Camus fait ce qu'il veut, et moi aussi, et toi et tout le monde. On est en République, quoi, nom de Dieu, comme dit le père. » L'entrée en classe se fit sans Camus ni Gambette. Le maître, interrogeant ses camarades sur les causes présumées de leur absence, apprit des initiés que le premier était resté chez lui pour assister une vache qui était en train de veller, tandis que l'autre menait encore au bouc une cabe qui s'obstinait à ne pas prendre. Il n'insista pas pour avoir des détails, et les gaillards le savaient bien. Aussi, quand l'un d'eux fripait l'école, ne manquait-il pas, pour l'excuser, d'évoquer innocemment un petit motif bien scabreux sur lequel ils étaient d'avance certains que le père Simon ne solliciterait pas d'explications complémentaires. Cependant, Camus et Gambette étaient fort loin de se soucier de la fécondité respective de leur vache ou de leur chèvre. Camus, on s'en souvient, avait en effet promis à tout gueule de le retenir. Il avait depuis ruminé sa petite vengeance et il était en train de mettre son plan à exécution, aidé par son féal et complice Gambette. Tous deux, dès les 7 heures, avaient vu le braque avec qui ils s'étaient entendus et qu'ils avaient mis au courant de tout. L'excuse étant trouvée, ils avaient quitté le village. Se dissimulant pour que personne ne les vît ni ne les reconnût, ils avaient gagné le chemin de la saute et le gros buisson d'abord, puis la lisière ennemie, dépourvue à 7 heures de ses défenseurs habituels. Le foyard de Tougle s'élevait là, à quelques pas du mur d'enceinte, avec son tronc lisse et droit et poli depuis quelques semaines par le frottement du pantalon de la vigie des Vélerans. Les branches en fourche, première ramification du fût, prenaient à quelques brasses au-dessus de la tête des grimpeurs. En 3 secousses, Camus atteignait une branche, se rétablissait sur les avant-bras et se dressait sur les genoux, puis les pieds. Une fois là, il s'orienta. Il s'agissait, en effet, de découvrir à quelle fourche et sur quelle branche s'installait son rival, afin de ne point s'exposer à accomplir un travail inutile qui les aurait de plus ridiculisés aux yeux de leurs ennemis et fait baisser dans l'estime de leurs camarades. Camus regarda le gros buisson et plus particulièrement son chêne pour être fixé sur la hauteur approximative du poste de Tougle, puis il examina soigneusement les éraflures des branches afin de découvrir les points où l'autre posait les pieds. Ensuite, par cette sorte d'escalier naturel, de sente aérienne, il grimpa. Tel un Sioux ou un Delaware relevant une piste de visage pâle, il explora de bas en haut tous les rameaux de l'arbre et dépassa même en hauteur l'altitude du poste de l'ennemi, afin de distinguer les branches foulées par le soulier de Tougle de celles où il ne se posait pas. Puis il détermina exactement le point de la fourche, d'où le frondeur lançait sur l'armée de Langeverne ses cailloux meurtriers, s'installa commodément à côté, regarda en dessous pour bien juger de la culbute qu'il méditait de faire prendre à son ennemi et tira enfin son eustache de sa poche. C'était un couteau double, comme les muscles de Tartarin. Du moins l'appelait-on ainsi parce qu'à côté de la lame, il y avait une petite scie à grosses dents, peu coupante et aussi incommode que possible. Avec cet outil rudimentaire, Camus, qui ne doutait de rien, se mit en devoir de trancher, à un fil près, une branche vivante et dure de foyard, grosse au moins comme sa cuisse. Dur travail, et qui devait être mené habilement, si l'on voulait que rien ne vînt, au moment fatal, éveiller les soupçons de l'adversaire. Pour éviter les sauts de scie et un éraflement trop visible de la branche, Camus, qui était descendu sur la fourche inférieure et serré le fût de l'arbre entre ses genoux, commença par marquer avec la lame de son couteau la place à entailler et à creuser d'abord une légère rainure où la scie s'engagerait. Ensuite de quoi il se mit à manier le poignet d'avant en arrière et d'arrière en avant. Gambette, pendant ce temps, était monté sur l'arbre et surveillait l'opération. Quand Camus fut fatigué, son complice le remplaça. Au bout d'une demi-heure, le couteau était chaud à n'en plus pouvoir toucher les lames. Ils se reposèrent un moment, puis ils reprirent leur travail. 2 heures durant, ils se relayèrent dans ce maniement de scie. Leurs doigts à la fin étaient raides, leurs poignets engourdis, leurs coups cassés, leurs yeux troubles et pleins de larmes, mais une flamme inextinguible les ranimait, et la scie grattait encore et rongeait toujours comme une impitoyable souris. Quand il ne resta plus qu'un 1,5 cm à raser, ils essayèrent, en s'appuyant dessus, prudemment, puis plus fort, la solidité de la branche. « Encore un peu, » conclut Camus. Gambette réfléchissait. « Il ne faut pas que la branche reste attachée au fût, » pensait-il, sans quoi elle s'y raccrochera et en sera quitte pour la peur. Il faut qu'elle casse net. Et il proposa à Camus de recommencer à scier d'en dessous l'épaisseur d'un doigt pour obtenir une rupture franche, ce qu'ils firent. Camus, s'appuyant de nouveau assez fortement sur la branche, entendit un craquement de bon augure. « Encore quelques petits coups, » jugea-t-il. « Maintenant ça va. Il pourra monter dessus sans qu'elle ne casse, mais une fois qu'il sera en train de gigoter avec sa fronde, ha ha, ce qu'on va rigoler !» Et après avoir soufflé sur la sciure qui sablait les rameaux pour la faire disparaître, poli de leurs mains les bords de la fente pour rapprocher les éraflures d'écorce et rendre invisible leur travail, ils descendirent du foyard de Tougle en ayant conscience d'avoir bien rempli leur matinée. « Monsieur !» fit Gambette au maître en arrivant en classe à 1h10. « Je viens vous dire que mon père m'a dit de vous dire que j'ai pas pu venir ce matin à l'école parce que j'ai mené notre cab. »« c'est bon, je sais !» interrompit le père Simon, qui n'aimait pas voir ses élèves se complaire à ces sortes de descriptions pour lesquelles tout faisait cercle, dans l'assurance qu'un malin demanderait le plus innocemment du monde des explications complémentaires. « ça va bien !» répondit-il de même et d'avance à Camus qui s'approchait, le béret à la main. « Allez, dispersez-vous ou je vous fais rentrer !» Et en dedans, il pensait, maugréant. « Je ne comprends pas que des parents soient aussi insoucieux que ça de la moralité de leurs gosses pour leur flanquer des spectacles pareils sous les yeux. C'est une rage !» Chaque fois que l'étalon passe dans le village, tous assistent à l'opération. Ils font le cercle autour du groupe. Ils voient tout, ils entendent tout, et on les laisse. Et après ça, on vient se plaindre de ce qu'ils échangent des billets doux avec les gamines. Brave homme qui gémissait sur la morale et s'affligeait de bien peu de choses. Comme si l'acte d'amour, dans la nature, n'était pas partout visible. Fallait-il mettre un écriteau pour défendre aux mouches de se chevaucher, aux coqs de sauter sur les poules, enfermer les génisses en chaleur, flanquer des coups de fusil aux moineaux amoureux, démolir les nids d'hirondelles, mettre des pagnes ou des caleçons aux chiens et des jupes aux chiennes et ne jamais envoyer un petit berger garder les moutons, parce que les béliers en oublient de manger quand une brebis émet l'odeur propitiatoire à l'acte et qu'elle est entourée d'une cour de galants. D'ailleurs, les gosses accordent à ce spectacle coutumier beaucoup moins d'importance qu'on ne le suppose. Ce qui les amuse là-dedans, c'est le mouvement qui a l'air d'une lutte ou qu'ils assimilent quelquefois, témoin ce récit de Tigibus, à la désustentation intestinale qui suit les repas. « Il poussait comme quand il a besoin de chier » disait-il, en parlant de leur gros turc qui avait couvert la chienne du maire après avoir rossé tous ses rivaux. « Ce que c'était rigolo ! Il s'était tellement baissé pour arriver juste qu'il en était presque sur ses genoux derrière et il faisait un dos comme la bossue d'Orlan. Et puis quand il a eu assez poussé en la retenant entre ses pattes de devant, eh ben il s'est redressé, et puis mes vieux, pas moyen de sortir. Ils étaient attachés, et la Follette, qui est petite, elle, avait le cul en l'air et ses pattes de derrière ne touchaient plus par terre. À ce moment-là, le maire est sorti de chez nous. « Jetez-y de l'eau, bon Dieu !» qui gueulait. Mais la chienne braillait, et Turc, qui est le plus fort, l'a tiré par le derrière, même que ses affaires étaient toutes retournées. Vous savez que ça a dû lui faire salement mal à Turc. Quand on a pu les faire se décoller, c'était tout rouge, et ça léchait la machine pendant moins une demi-heure. Puis Narcisse a dit « Ah, monsieur le maire, je crois bien qu'elle en tient pour ses 4 sous, votre Follette !» Et il est parti en jurant des noms de Dieu.